dérisoire. C'est pas comme ça que j'avais vu mon histoire. Quand j'étais petit, plein d'espoir. C'est pas comme ça que j'imaginais mon histoire. Elle était si simple et si belle pourtant. Ma femme, un fils, une fille, mon père, ma mère content. Pas contraint de devoir avant chaque dépense compter ou faire un crédit pour une modeste petite auto. Elle était si simple et si saine, tu comprends. Sans shit, sans trafic, fait de travail et de bon temps. Qu'est-ce que je ferais pas pour quitter ce monde et retrouver celui que j'ai vu avec mes yeux de môme. Il faut que je respire. Lève la tête parce que si tu veux tu respires. C'est pas ici, mais bon, si tu veux, tu respires. Il faut que je respire. Lève la tête parce que si tu veux, tu respires. C'est pas ici, mais bon, si tu veux, tu respires. Tu crois qu'avec principe et valeur, on t'aiderait à monter. Mais de nos jours, les gens, qu'est-ce qu'ils s'en battent de ta bonté? Tu pensais que ça comptait, tu t'es trompé. Reste aimable et docile, comme ça on pourra compter. T'auras bon dos, tu feras un beau mouton. Trop bon, trop con, tu connais. Ça fait un bout de temps que ça se dit, que ça se vit, que ça s'applique à ses amis même. Ta boîte clean, c'est le système qui pousse à s'abîmer. À ne chercher que profit, quitte à se la mettre profonde. C'est comme tes sauces, tu tournes la tête de seconde, ils tapent dans la caisse. Si c'est pas signe de bassesse, ne t'inquiète pas, ils savent ce qu'ils font, mais ça ne les empêche pas de te serrer la pince en attendant que ça te passe. Chercher des fins du genre, c'est pas de leur faute. Voir ces têtes d'une farce. On rigolait. Pas la gueule, roule un peu d'eau, rigoler. Il faut que je respire. Lève la tête parce que si tu veux tu respires. C'est pas ici, mais bon, si tu veux tu respires. Il faut que je respire. Lève la tête parce que si tu veux tu respires. C'est pas ici, mais bon, si tu veux tu respires. Le fait de me voir dans la merde te laisse le sourire aux lèvres. Et c'est pas grave, aujourd'hui je me relève. J'aurais laissé ma peau pour la tienne et tu me saignes de ton glaive. C'est pas grave, aujourd'hui je me relève. Chaque chose en son temps. Maintenant c'est chacun dans son camp. J'ai vu clair dans ton jeu, donc aujourd'hui j'agis. Pas prêt à te tendre la joue, mais remettre les comptes à jour. Et t'as qu'à m'insulter, me haïr, me jalouser, me trahir. Tenter tes coups de pute même, tu pourras pas me stopper. J'suis peut-être buté, mais j'ai fait en sorte de n'avancer qu'à la force de mon amour propre. J'suis peut-être que ce, mais j'suis pop ma stock. Peut-être le seul à kicker de la sorte. Haroun, tu connais mon place. Il faut que je respire. Lève la tête parce que si tu veux tu respires. C'est pas ici, mais bon, si tu veux tu respires. Il faut que je respire. Lève la tête parce que si tu veux tu respires. C'est pas ici, mais bon, si tu veux tu respires. Il faut que je respire. Lève la tête parce que si tu veux tu respires. C'est pas ici, mais bon, si tu veux, tu respires. Il faut que je respire. Lève la tête parce que si tu veux, tu respires.